Nardé, c'est chaud ça. Scar, t'arrêtes de place. Malay gangster, gang, gang, gang. Rabibi dans le bat, écrivant des textes, frérot d'oreille de platine. D'oreille de platine, t'es venu pour bosser. N'aime pas les paris, se dort, on te piétine. Hey, hey, t'es venu pour bosser. Malay gangster, dort, on te piétine. J'te rends pour qu'une dose grilla. Follow sur Instagram. Ces petits ont kiffé la billet. Elle donne son body pour un billet menti. Pour une go, j'ai jamais trahi moi. Pour tes gavas, c'est des peufs, frère. Pour mes gavas, c'est des poufs qui savent que mettre en paire. Investi dans de la peuf, frère. Regarde ses comptes la bouffe en fumant la verre. Comme la go, mon pétard est chargé. Y'a tout Marseille et tout Saint-Denis pour. Si y'a les keufs, que je suis chargé. J'hésite pas à faire un demi-tour. Je les ken une fois, deux fois, trois fois. T'es mal à taille de l'or que je n'ai. Libéré B2M, JM, Jacques Ma, libéré Amset. Que je suis dans le bras. Écrivant des textes, frérot d'oreille de platine. T'es venu pour bosser. N'aime pas les paris, se dort en toute piétine. T'es venu pour bosser. Dans tes piétines. J'te rends pour qu'une dose grilla. Follow sur Instagram. Le petit il a volé la drogue à Abdullah. Abdullah il veut se cagouler. Maintenant il veut le voura. 17 ça sent le poulet. Mon jeunesse fait que saouler. Il me dit Jules c'est toi la machina. Si si c'est le 1-3 vas-y trouver. Demande à Gazo même Gazé j't'ai un cul. J'ai trahi la cause à poteau j't'aime plus ouais. J'suis en verre j'fais des boulettes sur le pull. J't'ai leur baisse maintenant ils me détestent ça me tue ouais. Le baisse ça vient d'un coup. Première pépé ici goût. 1-3 ça fait des sous. 9-3 ça fait des sous. Paranoïaque. M'appelle pas Roya. J'fais des albums j'vais même pas à New York. Jusque d'or tu mets plus Alléluia. Ammoniaque ça nettoie les douilles. J'ai ma chiquita, me fais pas d'avance car j'ai pas de bouilla. Le scooter est quitté, ça lève toute l'allée, votre casse à fria. Tu fais t'insulter, mon poteau c'est devant les gens, tu fais la grillade. Dans la tête que des couilles c'est embrouillé, y'a des fusils, ah, des lames dans le bras. Écrivant des textes, frérot d'oreille de platine. T'es venu pour bosser, n'aime pas les paris, se dort en te piétine. T'es venu pour bosser, dort en te piétine. J'te rends pour